La démarche du démarchage, haha. Et la démarche du démarchage, ouais. Bah, puis aussi, enfin, enfin, tu vois, moi, je créais mes vidéos comme ça pour rigoler, donc je me projetais même pas. Dans une dimension pro. Oui, c'est ça. Carrément. Ouais. J'étais très loin de cet aspect-là. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans cette 57e interview, à visage caché toujours, pour parler ensemble de recettes do-it-yourself, c'est-à-dire faites maison pour entretenir ses cheveux, avec ma belle invitée, créatrice de contenu et du compte Smelia. Bonjour Alice. Hello. Moi c'est Alice. Passionnée par l'univers de la beauté et du bien-être, j'interviewe dans chacune de mes émissions un invité à visage caché. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer. Si vous aimez le concept de beauté imaginée, où on peut parler ensemble de beauté sans s'exposer, vous pouvez me soutenir en mettant une bonne note au podcast. Ça augmentera sa visibilité et moi, je pourrai interroger de plus en plus de monde. Et on peut également se rejoindre sur les réseaux. Vous pouvez soutenir ma page Instagram, YouTube, TikTok, beauté imaginée, pas d'accent, tiré du 8 entre les deux mots. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup déjà Alice d'avoir accepté de venir nous parler de ton approche naturelle vis-à-vis des cheveux. Et chers auditeurs, en plus d'avoir un nom superbe, ma belle invitée a créé ses comptes Instagram et TikTok pour mettre en avant, vous l'avez compris, des recettes et des conseils précieux pour s'occuper de nos cheveux avec des ingrédients naturels. Ton compte Alice, c'est donc Smelia avec 2L2A, c'est bien ça? Oui. Et sur Instagram, tu réunis maintenant plus de 90 000 abonnés en ce mois de janvier. Et sur TikTok, tu as dépassé les 195 000. Exactement. c'est plutôt balèze comme nombre d'humains. Bah, bravo pour ça et ta création de contenu régulière. On s'est rencontrés, toi et moi, virtuellement grâce à Louise du compte lou.isbgn, ma belle invitée de l'épisode 53, qui t'avait recommandé comme prochaine invitée ici. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que ça t'a permis de découvrir dans tes spams un peu Instagram un message que moi, je t'avais écrit il y a plusieurs mois de cela, parce que ça fait longtemps que je voulais parler de do it yourself, et toi, c'est ta spécialité, clairement. Donc, je suis bien contente qu'on puisse approfondir ce sujet ce soir. Bonsoir tout le monde, merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Chers auditeurs, d'abord, on va commencer par une interview d'Alice, et voilà, de son approche de la beauté, de son compte Smelia, et ensuite, vous aurez des infos à deviner à son sujet. L'âge d'Alice, son autre passion, le biais par lequel Alice a postulé sur son poste actuel en marketing. Pas facile comme ça, mais bon, vous aurez peut-être des idées. Pour teaser ce live, Alice, tu m'as conseillé de réaliser un Ennegloss. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit pour commencer? Ouais, bien sûr. Alors, un Ennegloss, c'est un soin pour les cheveux qui est en fait un mélange de henné neutre, donc du henné qui n'est pas colorant, avec un masque capillaire, donc ça peut être une base neutre ou l'après-shampoing de notre choix, et de l'eau chaude. Ouais, c'est mon soin préféré. C'est le tout premier que j'ai fait en passant au DIY et au naturel pour les cheveux. Mmh. Du coup, ça m'a semblé évident de te proposer de faire ça. Et du coup, oui, tu disais le henné, il est non colorant, parce qu'en fait, souvent, quand on entend parler henné, c'est pour colorer, faire des colorations végétales en fait. Ouais, exactement. Exactement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au-delà de ça, le henné, ça a énormément de vertus et de bienfaits. Et je trouve ça mais trop bien qu'il en existe un qui justement va pas colorer, mais va nous permettre de bénéficier de toutes les vertus. Donc, toi, tu l'utilises plutôt pour quelle vertu du coup? Mais moi, je l'utilise surtout pour la partie protection des cheveux et le fait que ça va vraiment venir les enrober et les gainer, puisque, au cas où si ça ne se voit pas, j'ai les cheveux très fins et j'en ai pas énormément. Du coup, ça m'a permis vraiment de bien protéger mes cheveux pour éviter et limiter la casse, et surtout leur apporter un petit peu plus de volume. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça ta recherche. Moi, j'étais contente du résultat pour la brillance. Du coup, j'ai les cheveux plutôt épais et pour la brillance, j'ai vu que ça a fonctionné. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est aussi, ça a une action lavante, en fait. Oui, Oui, carrément. Le henné, ça fait partie des poudres lavantes qui vont contenir de la saponine végétale. Et du coup, c'est ça qui va. Je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu le rinces, ça mousse même. Vraiment, c'est des actions Oui. lavantes, mais tout en douceur. Donc c'est pour ça qu'on peut le faire aussi sur cheveux propres et cheveux sales. Ouais, d'accord. Ouais. Et pour tout te dire, au début, je me suis dit, ah bah, dès le lendemain, je vais les laver parce que même au niveau de la senteur, elle est assez prononcée. Et je me dis, bah, ça doit être l'avant, mais voilà. Et en fait, j'ai pas eu besoin de les laver le lendemain. Et j'ai même tenu 4 jours sans les laver. Donc, j'étais assez agréablement surprise par l'effet sur le crâne aussi, en fait, en termes d'action lavante. Et du coup, qui est Madame Poudre, en fait? Quelle est sa spécialité sur les réseaux? Bah, comme tu viens de le dire, c'est les poudres, je pense. C'est les soins naturels, les soins faits maison, les soins où on sait ce qu'on met dedans. Alors, pas exclusivement, je fais aussi j'utilise des produits classiques, conventionnels, bio, parfois pas bio. Mais ma spécialité, ça reste les soins faits maison aux poudres. Je pense que c'est grâce à ça que pas mal de personnes m'ont découverte. Et moi, c'est un petit peu mes vidéos préférées, puisque ça permet d'enlever cette image un petit peu vieillotte et très old school que peuvent avoir les soins aux poudres et les soins naturels, et montrer que justement ça peut être super moderne et très coloré et fun. Et efficace en plus. Et très efficace, ouais. Et pour remonter un peu le temps, comment ça se passait, toi, côté cheveux à l'adolescence? Bah, c'est un peu mitigé. J'ai eu la chance d'être dans les époques, enfin la chance, pour moi en tout cas, où les cheveux lisses, c'était très très à la mode et il fallait absolument avoir les cheveux lisses. Donc au moins là-dessus, c'était naturel, donc un problème qui n'en était pas un pour moi quand j'étais jeune en tout cas. Mais par contre, j'ai toujours eu ce truc avec mes cheveux tout fins, tout plats, qui n'ont pas de volume. Donc je les attachais beaucoup la majeure partie du temps. Et je les lavais tous les jours. Donc, je les appréciais par moments, mais j'avais un petit peu une haine contre eux à d'autres. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, puis c'était une mode, ouais, comme tu disais. Aujourd'hui, on voit quand même plus de messages pour les accepter, et notamment Ouais. si la texture est plus ondulée, etc., quoi. Ouais, carrément, on est beaucoup mieux maintenant et c'est Ouais. trop bien que tout le monde accepte sa nature de cheveux et se sente mieux. Je suis totalement pour, bien Eh sûr. oui. Et quand est-ce que tu es passé au naturel, en fait? Ça date de, je pense, une bonne année avant le premier confinement. J'ai plus exactement les dates, mais bah, tout simplement, j'avais fait à peu près toutes les couleurs possibles qui existent à mes cheveux. Du rose, du bleu, j'avais fait du roux, mais en version chimique. Vraiment, je leur avais tout fait. D'accord. Et voilà, ils étaient en mauvais état. Et ma sœur, qui est naturopathe, m'a dit, mais tiens, dis donc, tu connaîtrais pas les soins naturels? Et je me moquais un peu d'elle qui faisait ses aînés à la maison comme une petite sorcière. Et au final, voilà, c'est moi maintenant, elle m'a contaminée. Est-ce que c'est cette sœur-ci, on la voit dans une vidéo, tu montres comment tu embellis ses cheveux grâce à tes recettes? Ouais, c'est exactement cette sœur-ci qui a fait du henné pendant toutes les années où on a grandi ensemble. On a presque 10 ans d'écart, donc vraiment c'était Ouais. mon modèle capillaire. Ah Et elle est oui. rentrée chez mes parents pour Noël. Et là, stupéfaction, elle Ah. allait chez le coiffeur se faire un rouge pétant, Ah. bien, bien, bien pas naturel. Ah ouais, Et du d'accord. coup, on s'est retrouvé dans la situation inverse où celle qui m'a dit au Oui, c'est secours. ça. Et Ouais. ouais. Mais parfois, on a besoin de s'égarer du droit chemin pour après mieux y revenir, on va dire. Ouais, exactement. Et comment tu as eu l'idée de te lancer sur les réseaux? Ça s'est passé comment pour toi? Bah écoute, c'était un petit peu un hasard. C'était pas vraiment une idée. J'avais mon compte TikTok, le classique que j'utilisais pour moi, pour mes vidéos. Et j'avais des copines qui étaient intéressées par les soins naturels, donc je m'étais dit que j'allais leur faire une vidéo. Clairement, pour moi, c'était un logiciel d'édit vidéo et rien d'autre. Voilà. Et j'ai mis une vidéo que je leur ai envoyée, et puis j'ai fermé l'application. Et quand je me suis reconnectée plusieurs semaines après, je me suis rendu compte de l'ampleur que ça avait pris. Donc, D'accord. j'ai continué. Voilà. En fait, ça veut dire que tu t'es pas connecté à l'application TikTok pendant plusieurs jours. Ouais. Et quand tu es revenu, là, tu as vu des dizaines de notifications. Ouais, exactement. Plein de notifications et je me disais, bah, bizarre, mais en même temps, comme je bosse dans le domaine du digital, je connaissais déjà la partie de TikTok, donc je me suis dit, bon, ça arrive à plein de gens, une vidéo comme ça, et puis on n'en parle plus. Et donc j'ai juste continué mes vidéos parce que bah, je sentais qu'il y avait quand même deux, trois personnes qui aimaient bien ça, qui voulaient des conseils que je pouvais aider, et j'adore faire ça, et c'était vraiment ma passion, donc je me suis dit, bah, let's go. Et voilà, et on est là aujourd'hui, et ça a pris beaucoup plus d'ampleur que je pensais. Eh oui, parce qu'en fait, beaucoup beaucoup de gens ont envie de quitter le conventionnel et d'être un peu autonome, sans doute. Bah, je pense que ouais, y a deux types de personnes. Il y a les gens qui vraiment, c'est par rapport à leurs convictions, leurs valeurs, qui veulent du naturel parce que c'est meilleur pour la planète, on sait ce qu'on met dans ses cheveux, voilà, on se rapproche un petit peu de tout ça. Et puis je pense qu'il y a quand même une autre partie des personnes qui sont là parce que au-delà de ces convictions, bah, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça donne de très beaux résultats, parfois mieux qu'avec des produits finis, conventionnels. Donc pourquoi pas? Et dans un sens, tant mieux, parce que comme ça a double bénéfice. Eh oui, non, c'est sûr, beaucoup beaucoup d'atouts avec l'écologie, etc. Et du coup, est-ce qu'il y a un conseil que tu donnes le plus souvent dans les nombreux DM que tu reçois? Ben, franchement, le conseil que je donne le plus souvent, c'est qu'il faut juste faire plaisir à soi-même. Je suis pas bloquée dans ma vision des choses. S'il y a des personnes qui ont besoin de passer par le conventionnel et d'aller chez le coiffeur pour se sentir bien et belle, bah, elles font ce qu'elles veulent. C'est leurs cheveux, c'est leurs idées, c'est leur vie. J'ai pas envie voilà, d'être fermée dans mes pensées. Oui, Donc, je stigmatisé. dirais que vraiment, mon meilleur conseil, c'est, voilà, je recommande à tout le monde de juste faire ce qui lui plaît et de se sentir bien avec ce qu'il fait. Quand j'ai des filles qui viennent et qui me disent, mais j'aimerais trop faire du naturel, mais je me sens tellement mieux en blonde en faisant mon balayage ou mes décolorations. Bah franchement, on continue, quoi. Enfin, si c'est ça qui te plaît, qui te fait te sentir bien, je te dirais pas le contraire. Alors évidemment, je donne mon avis et je dis les bénéfices qu'on pourrait en tirer en faisant peut-être d'autres traitements à ses cheveux. Mais mon meilleur conseil reste quand même de faire ce qui nous plaît. Pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au balayage, en fait, avec le conventionnel, on peut éclaircir un cheveu, ce qu'on ne peut pas a priori faire en naturel. On ne peut que entourer la fibre capillaire, c'est ça? Bah, on peut un petit peu venir éclaircir sa couleur avec le naturel, mais ça restera jamais aussi intense que d'aller faire une décoloration. Mais on Parce peut, qu'en il y a fait. des poudres éclaircissantes, il y Ah, a d'accord. des mélanges éclaircissants, tu sais, comme la camomille un peu dans les remèdes de grand-mère, les trucs comme ça. Ça peut marcher. Tu vois, il y a aussi le miel qui peut éclaircir, mais si on le laisse poser plus de 6 heures et encore mieux en restant au soleil. Donc ça, en Oui. fait, c'est tellement doux que dans tous les cas, ce sera des Très procédés léger. beaucoup plus longs et pour un résultat beaucoup plus léger. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, dans le tout ce qui va être balayage chez le coiffeur conventionnel, on va vraiment retirer, si je ne me trompe pas, la pigmentation du cheveu. Et là, c'est pas ce qu'on peut faire en naturel. En naturel, c'est plutôt, quand tu parles du miel, par exemple, une sorte de réaction chimique qui va un Ouais. peu modifier la coloration, quoi, les pigments. Oui, bah, c'est ça exactement. En fait, venir enlever les pigments, ça a quand même un côté un petit peu agressif pour le cheveu. Il faut imaginer qu'on vient, on l'ouvre, on retire tout et on essaye de le refermer. Oui. Donc ça, jamais le naturel n'en sera capable. Après, il y a des coiffeurs qui font des décolorations maintenant avec des produits, on va dire, un petit peu moins agressifs ou à base d'argile minérale. Alors, je suis pas hyper calée sur le sujet, mais je suis ouverte, je veux bien croire que ça soit moins agressif. Mais par rapport au naturel, ça sera toujours plus violent, on va dire. Oui, c'est un premier pas. Voilà. Et tu vas souvent chez le coiffeur, justement? Non, pas trop. J'y vais on va dire tous les 3 mois, aller pour couper un petit peu les pointes, parce que je pense que si je le fais, ça serait une catastrophe. Donc, je devais, voilà, histoire de rafraîchir un petit peu. Et puis, pourquoi pas qu'on prenne soin de moi, parce que faire ses soins, c'est chouette, mais c'est toujours cool quand c'est quelqu'un qui nous les fait. Ça m'arrive de temps en temps, on va dire. Et pour ce qui est coupe, ça, tu n'as jamais essayé toute seule. Non. C'est Ça, un autre domaine. je prendrai pas le risque. Je sais que c'est pas pour moi. Je laisse ça aux gens qui sont compétents. Ben surtout sur cheveux fins, je pense que une éventuelle erreur va plus se remarquer, quoi. Oh, ça serait catastrophique. Je traîne un vieux trauma familial Ah. d'une tentative de frange faite par ma sœur. Ah oui, d'accord. C'est un scandale. Donc, Ah là là. depuis ce jour, plus jamais. Ah ouais, j'ai eu les mêmes mauvaises expériences, mais c'est moi qui faisais la frange à ma petite sœur. Oh là Ouais, là, la pauvre. c'est tellement amusant de couper des cheveux quand on est enfant. Et non, Ouais. il vaut mieux, Mais il il vaut vaut mieux les mieux couper éviter. que se les faire couper. Du coup, je Oui, recommande pas. à choisir. On Ouais. nous dit, il y a toi, Ananas, qui dit Alice, t'es la meilleure. Bien sûr, je peux le prendre pour moi, ce qui fait très plaisir, mais je Ah, pense que mais ça t'est destiné. Merci de ton message. Merci, Tan. Quelles sont les marques que tu recommandes ou utilises le plus, toi? En termes de DIY, WAM Cosmetics, c'est vraiment la marque que je mets partout. Et même pour les produits non DIY, tout ce qui va être leur base neutre, leur poudre lavante, vraiment, c'est une des marques que j'utilise le plus D'accord. pour la partie DIY. Et ensuite, pour ce qui va être plus produit fini, parce que je ne suis pas que poudre et j'utilise des shampoings plus classiques, j'utilise beaucoup le shampoing de la marque Noir au Naturel, mais aussi les produits de chez Mademoiselle Bio et depuis plus récemment, Coslys. D'accord, ça s'écrit comment? Coslys, il me semble. D'accord. Je les voyais souvent passer dans mon feed, mais j'avais jamais trop testé parce que j'ai tellement de produits que j'essaye à minima de bien les finir avant de m'en racheter plein. Et depuis récemment, du coup, j'ai testé et j'aime beaucoup. Ils ont une très D'accord. bonne odeur et ça peut changer. Ouais. Des Oui, fois, ça donc manque. pour des shampoings, comme tu dis, tout, comment dire, tout préparer, quoi. Et Ouais. nous à constituer soi-même. On a Louise qui passe par là. Salut Louise, et qui nous dit le best shampoing, celui de Noir au Naturel. Ah, du coup, ça, c'est une marque, Noir au Naturel? Ouais, c'est une marque, ils ont un D'accord. shampoing qui s'appelle Première Mousse, qui à la base est pour les cheveux plutôt ondulés, bouclés, crépus, et je l'ai testé, et c'est celui qui m'a donné le plus de volume et qui a été le meilleur pour mes racines qui graissent vite. Donc voilà, je pense qu'elle connaît bien et il est vraiment cool. Et il est à base de Ah poudre ouais. de plantes, donc D'accord. sûrement pour ça. Et Just Juliette nous dit, j'ai découvert WAM grâce à toi, Alice. Trop bien, Juju. Et du coup, est-ce que tu fais des partenariats avec ces marques-ci? Ça t'arrive? Oui, bah, ça m'arrive régulièrement. Ouais. WAM, c'est une des premières marques avec qui j'ai travaillé. C'est une de mes marques préférées. Et en fait, ce que je trouve trop cool, c'est que je travaille maintenant avec des marques que j'utilisais déjà depuis plusieurs années. Donc, je connais les produits. Je l'ai montré avant n'importe quel partenariat parce que je les utilisais, donc je trouve ça, enfin c'est hyper agréable. Je suis très contente de pouvoir Oui. partager ces marques-là et je sais que c'est des valeurs sûres vu que je les utilisais depuis pas mal de temps. Ça donne de la crédibilité, bien sûr, à Ouais. ton témoignage en plus. En fait, ça, c'est le rêve sans doute de tout créateur de contenu. C'est le moment où tu as assez, une communauté assez importante, engagée, pour pouvoir mettre en avant les marques que tu aimais déjà et qu'elles te fassent confiance, qu'elles te repèrent, quoi. Ouais, c'est ça. Là, Et c'est c'est sur quels hyper critères, valorisant. du coup, que tu choisis un partenariat, si jamais tu connais pas encore une marque qui te contacte? J'ai pas fait tellement de partenariats avec des marques que je connaissais pas, honnêtement. Parce que bah, tu le sais, mais j'ai une activité à côté. Du coup, c'est vrai que ça me laisse pas beaucoup de temps. Donc, je priorise toujours les marques que je connais bien et que j'utilise régulièrement, puisque c'est complètement cohérent pour moi de les montrer au quotidien. Les fois où ça arrivait, bah, j'ai été regarder leur site, leurs produits, la charte graphique, l'image de marque, les prix, les compos, l'origine, si la transparence est bien présente. Et tout bête, mais si le contact que j'ai chez la marque, ça passe bien, si je m'entends bien, voilà, c'est vraiment le premier contact, donc c'est hyper important. Et des fois, juste avoir un mauvais contact, ça peut pas donner Être envie, même si oui. les produits sont très bien. Donc voilà, il y a tout ça. Ah oui, donc pas mal de choses à vérifier. Une petite enquête à mener, quoi. Ah ouais, complètement. Et les marques que tu as évoquées, que tu utilisais, que tu appréciais et avec qui tu as eu l'occasion de travailler, c'est toi du coup qui les a démarchées ou c'est l'inverse? C'est l'inverse. Alors, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois de démarcher vraiment une marque que j'adorais, que j'utilisais au quotidien et que je mettais en avant. Donc, c'était plus dans le but, bah, est-ce que vous n'avez pas un petit code promo? Parce que je vous montre tellement que ça pourrait être hyper intéressant pour les gens qui me suivent et Eh pour oui. permettre de tester. Et sinon, le reste du temps, c'est plutôt les marques qui m'ont contacté. Franchement, ils sont hyper bons dans leur métier parce que j'ai été contactée très tôt. Ah oui. Av avant d'avoir autant d'abonnés, vraiment. Mais c'est plutôt eux qui m'ont démarché parce que aussi, par manque de temps, je ne faisais pas forcément la démarche Cette oui. d'aller chercher. La démarche du démarchage. La Eh démarche du oui. démarchage, ouais. Bah, puis aussi, enfin, enfin, tu vois, moi, je créais mes vidéos comme ça pour rigoler, donc je ne me projetais même pas Dans une dimension dans... pro. Oui, c'est ça, carrément. Ouais. J'étais très loin de cet aspect-là. Si bien qu'aujourd'hui, tu parles un peu de deux métiers, en fait, tu as ton travail toute la journée, donc en marketing, et en plus, le soir, tu Ouais. dois réfléchir à ta création de contenu, à tes réponses aux messages, etc., quoi. Ouais, mais oui, clairement. Pour moi, il y a deux métiers. On se rend pas forcément compte, mais derrière une vidéo, il y a eu toute la réflexion, il y a eu les tests qui n'ont souvent pas marché avant qu'on ait un bon résultat. Si jamais c'est pour mettre des produits d'une marque qu'on aime bien, il va y avoir des échanges, mais des négociations, des factures, des contrats, des devis. Après, il y a le tournage qui peut prendre plusieurs heures parce qu'il suffit qu'on ait mal cadré ou que la lumière soit nulle et qu'on ait besoin de tout recommencer. Il y a le créer le script, faire la voix off, monter, publier. Bref, ça prend un temps fou. Ça prend un Et temps oui. fou. Donc, ouais, Pour je considère parfois que ma... 20 secondes pour le spectateur, quoi. C'est ça le paradoxe. Ah, mais les vidéos qui me prennent le plus de temps à préparer sont souvent Ah celles oui. qui durent le moins longtemps. Ah ouais. Bah surtout Ah oui. les avant-après, finalement. Ben, c'est ça. Puis il faut choisir les bons plans qui vont montrer juste en quelques secondes l'essentiel. Et puis il faut réussir à caler tout ce qu'on veut dire en très peu de temps, réussir à donner les infos importantes, mais pas oublier des infos trop importantes. Donc ouais, ça prend énormément de temps. Vraiment, enfin, c'est trop bien. J'adore faire ça. Mais c'est compliqué des fois. Ouais, c'est sûr. Et bah, c'est vrai que j'aime bien souvent poser cette question quand je reçois une créatrice de contenu ou un créateur de contenu. Parce que, en effet, quelques secondes demandent énormément de préparation et de réflexion. Et c'est pas forcément flagrant, forcément. Surtout que on a le scroll facile sur ces applications. C'est tout le but. Donc, on réalise pas toujours. Et pour revenir au partenariat, est-ce qu'il y a des pièges éventuels que tu as découvert et est-ce que tu as progressé vis-à-vis de ça, comme au départ ça t'est un peu tombé dessus? Bon, au départ, ça m'est tombé dessus et je me suis fait avoir sur plusieurs points, donc maintenant ça m'arrive plus. Mais oui, les partenariats, déjà, c'est un métier qu'on ne connaît pas, donc c'est des revenus qu'on ne connaît pas. Donc, bien souvent, on est face à des négociations où on n'est même pas capable de se situer. C'est pas comme un métier classique où on va chercher des grilles de salaire à peu près sur trouveranjob.com, là, c'est vraiment autre chose. Faut se situer, faut comprendre qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, c'est hyper compliqué. Et ensuite, il y a tout ce truc enfin, moi, bien souvent, il faut quémander, en fait, pour être payé juste en temps, alors que est attendu en face des deadlines pour poser les Eh contenus. oui. Ça a été au tout début vraiment les problèmes que j'ai eus. Donc ça arrive plus après quand on est entraîné, on va dire, et qu'on voit le truc arriver. Mais au début, ouais, c'est compliqué. Ah oui. Le fait de ne pas être payé à temps, est-ce que tu peux demander d'être payé à l'avance ou ça ne se fait pas? Pour moi, ça se fait pas. Ouais. C'est un peu un. C'est un C'est un peu livrable, quoi. deux. C'est gage de. Tu sais pas comment dire. Quand tu achètes quelque chose, tu payes une fois que tu passes avec le produit à la caisse, tu vois. Je le vois un peu comme ça. Oui. Alors que quand on est dans le milieu professionnel, il y a très souvent un paiement en amont. Mais comme tu restes une particulière chez elle, tu te dis, bah non, c'est on va faire comme, Bah, c'est ça, comme ils le puis sentent. je pense que, enfin, de l'autre côté, je pense qu'il y a aussi des marques qui peuvent être à plaindre et qu'il y en a qui, justement, ont fait ça et qui se sont retrouvés sans contenu, créer un échange, tu Et vois. Donc, oui, ouais, ça va non. dans les deux sens, bien sûr. Mais L'idéal, pour moi, c'est c'est. une relation de long terme, comme ça tu connais, il n'y a plus de problème. Exactement. C'est ce que je fais. Ouais, Pour oui, c'est ça la morale en fait. Oui. Alors, du coup, place aux questions incontournables de beauté imaginée. Alors, est-ce que tu aurais une gaffe cosmétique à nous raconter pour nous faire rire un peu, qu'on se moque un petit peu peut-être? Écoute, une gaffe, bah, je t'ai parlé de la frange tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas déjà. mal. Après, en vrai, en faisant les soins naturels, les gaffes, ça arrive une fois sur cinq, on va dire. Ah, d'accord. Des fois, il y a des poudres qui ont des morceaux, tu vois, plus ou moins filtrés, où tu penses que ça va se rincer vraiment hyper facilement, et au final, t'en as plein les cheveux Ah. pendant 5-10 jours, si tu les laves pas directement. Ah, punaise. Ah, ouais. Ouais, il y a des petites poudres, tu sais, qui ont encore des petits morceaux, ou des fois, il y a des petits morceaux de fleurs séchées et tout, qui s'accrochent aux cheveux. Ça arrive, Ah, ça arrive. punaise. C'est trop relou quand ça fait ça. Et pareil, tu vois, il y a tous les bains d'huile, au final, tu penses que t'as bien rincé, et tu te retrouves avec les cheveux gras, Ah, enfin. c'est derrière et tu le vois pas trop, par exemple. Oh, ou même sur les longueurs, où tu te dis, ouais, ça va sécher, et en fait, Ouais. non, non, c'est juste gras tout le temps. Ah ouais. Dans ces Mais cas-là, voilà. par exemple, pour un bain d'huile, ça veut dire qu'il fallait, enfin, sur un bain d'huile, tu dois le rincer après ou pas? Ouais, tu le laves après. Hein. Dans ce cas-là, c'est que soit t'en as mis beaucoup trop, soit que Faut faire deux t'as shampoings. mal rincé derrière. Ouais, deux shampoings. Et le mieux, c'est de faire un premier shampoing sur cheveux secs. Parce qu'en fait, mettre de l'eau sur ton huile, bah, ça va pas forcément t'aider à la faire partir. Que Et frotter un premier coup oui. avec ton shampoing sur tes cheveux huileux, ça va permettre au deuxième shampoing de tout faire partir. Ah oui, bonne astuce. Et ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que recette naturelle ne veut pas dire absence d'allergie. Ah oui, carrément. Bah, toutes les huiles essentielles, il y a beaucoup de gens qui peuvent y réagir, qui peuvent avoir des allergies. Au niveau des soins pour la peau, pareil, il faut faire hyper attention au dosage, puisque ça peut vite faire des petits boutons ou des réactions aux peaux sensibles. Et les poudres, c'est pareil. Il y a beaucoup plus de filles que je pensais que ce soit possible qui m'ont Oui. commenté mes vidéos où je fais du henné et qui me disent, mais moi, je suis allergique au henné, comment je Ah fais? ouais. Oh, Ah ouais. y en a énormément. Il faut toujours tester dans le creux du coude, c'est hyper important. Oui. On oublie trop souvent, mais il faut le faire parce que Ouais. être allergique au C'est... henné, c'est embêtant. Ah bah oui. Comment ça se passe? Ça veut dire qu'elles font toute la pose et que quelques heures après, elles ont des rougeurs sur toute la tête, quoi. Ouais, rougeur, démangeaison, et je pense que Ah les démangeaisons ouais. restent après. Et au final, Ah un soin qui ouais. devait être plein de bénéfices, tu retrouves à te cramer le cuir chevelu, quoi. C'est Ah pas ouais. le but. Bien sûr. Ouais, les tests d'allergie, c'est ça peut vraiment épargner enfin éviter bien des galères. Est-ce que tu as un C'est produit clair. de beauté skincare incontournable pour le visage du coup? Bah écoute, pour le visage, celui que j'utilise le plus souvent et depuis le plus de temps, je dirais que c'est le peeling de chez Madara. Vraiment, je l'adore. Quand j'ai commencé à prendre soin de ma peau, je me souviens avoir commencé avec le peeling qui était très à la mode sur les réseaux sociaux de chez The Ordinary, celui qui est rouge. Ah oui, Et d'accord. ça avait complètement arraché la peau. Oh, Vraiment, trop j'avais mal agressif. réagi. Ah, Ouais, c'est d'accord. ça. Et le peeling de chez Madara, au contraire, était beaucoup plus doux, avec une compo moins agressive. Et ça, je sais pas, ça donne un teint lumineux. C'est fou. Il est vraiment incroyable. Je l'adore. Nous allons passer maintenant à la rubrique Les auditeurs t'imaginent. Chers auditeurs dans Beauté Imaginée, l'imaginaire, c'est aussi la force de l'audio. Donc, c'est à vous de participer. On a trois devinettes. Quel est l'âge d'Alice? Quelle est son autre passion à part les cheveux et enfin plutôt les poudres naturelles et l'entretien des cheveux naturels? Et par quel biais Alice a-t-elle postulé sur son poste actuel en marketing? 32 ans, Équitation. Qui a proposé ça? Alors là, c'était Chris. Et Ok. Alice a fait un soin maison pour les cheveux de sa recruteuse. J'imagine que ce serait trop drôle, t'arrives à Ça va. l'entretien avec ta petite mixture. Ça, original. Donc, est-ce qu'il y a une bonne réponse ou rien de bon là-dedans? Là, y a rien. Rien de bon. Et un peu de vexation en prime sur l'âge, on a compris. Mais là, tu vois, on n'entend que ta voix, du coup, c'est tout le principe. Donc, ça veut dire que ce que tu as raconté traduit une certaine expérience. C'est comme ça qu'il faut le prendre quand on est vieilli avec les devinettes de Ok, beauté imaginées. je vais essayer de le prendre comme ça et pas pleurer dans mon lit ce soir. C'est ça. Ensuite, on a eu 26 ans, le cheval, et a postulé via Instagram. Non, aucun. Pourquoi le cheval deux fois de suite? Ah, t'as raison. Ouais, c'est marrant. Vraiment, y a rien de l'équitation dans mon cours. Ah ouais, c'est pas ça. Nous avons également, je dirais, 25-26 ans, passion pour le dessin ou la cuisine, et elle a postulé sur Instagram peut-être, Just Juliette. Ah, Juliette. Alors, oui, l'âge, j'ai 25 ans. Ouais. Pour le reste, non. Mais le dessin, ça aurait pu marcher. Puisque avant mes études, je dessinais beaucoup et je voulais partir dans l'art. Ah, Donc, d'accord. franchement, c'était ma passion d'ado, on va dire. Ah, donc, ouais, une bonne inspiration pour Just Ouais, Juliette. ça aurait pu pour Juliette, ouais. Et du coup, pour ce qui est donc de ta vraie deuxième passion, il y a peut-être un indice, je me dis, avec ta chaise. Je sais pas Oui, ce que tu en penses, mais elle est quand même profilée, cette chaise, par rapport à la ouais, c'est mienne vrai, qui est c'est assez vrai. basique. Alors, du Oui, coup, quelle est-elle, cette passion? le jeu vidéo, Et oui! Donc, ouais. vas-y, développe un peu. Tu joues depuis longtemps, à quoi? Eh bien, écoute, ouais, je joue depuis super longtemps. Mon papa était informaticien pour les écoles. Bon, je dis l'été parce qu'il est à la retraite. Et du coup, c'est vrai qu'il m'a mis très jeune devant les ordinateurs. Donc, j'ai D'accord. commencé devant Adibou, voilà, des jeux Ah comme ça. Et en oui, grandissant, ouais, Adibou, j'adorais ça. Adibou. Et en Ouais. grandissant, j'ai découvert les jeux en ligne. Donc, j'avais pas le droit d'avoir une console, mais vu que j'avais mon ordinateur, je les ai téléchargés. Bon, voilà, j'ai joué à Dofus, je m'étais testée sur World of Warcraft. Et du coup, je me suis pris de passion ou plutôt d'addiction pour le jeu League of Legends. Et voilà, j'ai beaucoup joué à ce jeu-là pendant plusieurs années. D'ailleurs, Toan, tout à l'heure, qui est venu commenter, c'est un ami de longue date sur ce jeu que j'ai rencontré, je sais pas, il y a 8 ans au moins. Ah ouais, trop drôle. J'ai fait énormément de très belles connaissances grâce à ça et j'ai beaucoup d'amis maintenant partout dans la France grâce à ce jeu. Eh Donc, oui. honnêtement, j'en tire beaucoup de positif. Parce que ce jeu-là, t'as dit comment il s'appelle? Ça s'appelle League of Legends. Ah, c'est League of Legends. Et là, le principe, Un... c'est que c'est par équipe. Ouais, c'est ça, c'est par équipe de 5 personnes et chaque équipe peut communiquer entre elles, jouer ensemble, lancer les parties ensemble et un objectif commun. Oui, donc forcément, comme en plus on doit se connecter un peu au même moment et ça dure quand même un certain temps, ça Oui, crée des liens, quoi. ça dure bien. Ça dure bien, et ça crée des Ouais. liens et on rigole et c'est que du temps qualitatif puisque c'est un moment où on fait quelque chose qu'on aime bien tous. Donc voilà. Positif Ouais, aux moi c'est relations, en plutôt fait. positif. Mais Ouais, ouais, c'est ouais. ça, on pourrait imaginer que ça isole, mais alors bien au contraire, Ouais. c'est l'endroit où j'ai rencontré le plus de gens Oui. où je me suis attachée au plus de personnes. Ah ouais, c'est drôle. Ah ouais. Et du coup, justement, en parlant de rencontres possibles via les jeux vidéo, d'ailleurs, on a eu un petit commentaire, pardon, sur cette deuxième passion. C'était Victor qui nous propose, je dirais, le travail. Non, enfin, j'adore mon travail. Une passion, je sais pas. Pas encore. Oui, du coup, tu as fait une certaine rencontre qui nous permet la transition à la dernière devinette. Oui, la dernière devinette. Écoute, c'est une histoire un peu drôle. En sortant d'études, moi, j'ai fini mes études pendant la période coronavirus. Donc, je postulais en ligne. pour les jobs dans tout ce qui est marketing, digital, etc., il y a pas mal de plateformes. Donc, c'est beaucoup envoi de CV en ligne, entretien visio, etc. Et du coup, le reste du temps, je m'occupais pas mal sur les jeux vidéo. Et par le biais d'un ami commun, j'ai rencontré une petite madame qui jouait dans l'équipe en face de moi. Et il y a pas mal de clichés autour des filles sur les jeux vidéo. Voilà, souvent, c'est quand même des grosses personnalités. C'était dur, tu vois, de rencontrer des filles, parce qu'en plus, il n'y en avait pas beaucoup. Et vraiment, cette nana-là, on s'est trop bien entendu, on a bien rigolé, on s'est ajouté en amis. Et puis finalement, on jouait pas mal ensemble. Et puis on jouait tellement souvent qu'un jour, je lui ai dit, mais tu joues beaucoup, toi aussi, t'es au chômage comme moi en ce moment, vu que je cherchais le travail en sortie d'études. Et elle me dit, bah, écoute, non, je suis en congé, Ah, je d'accord. travaille dans une Je boîte. suis en télétravail, non, Ah, non, ça aurait été possible, mais bon, pas son genre. Mais du coup, elle je m'a dit, non, non, je suis en congé, je travaille dans une entreprise de marketing à Bordeaux. plaisante. Et toi, tu fais quoi? Je lui dis, bah, tiens, ça tombe bien, je cherche un travail. Et elle m'a dit, bah, écoute, on embauche, Waouh. on va regarder ton CV, et s'il colle, tu pourras faire des entretiens. Et du coup, j'ai fait 3 entretiens, et ça s'est très très bien passé. J'ai accroché avec tout le monde, et Et je suis tiens là-bas depuis encore. 2 ans maintenant. Et je suis Génial. partie à Bordeaux pour ça, je connaissais Ah personne, oui. j'y étais jamais allée. Bon, Ah c'était ouais, totale c'est découverte. ça. Oui, en fait, ça permet d'avoir accès à des gens dans toute la France, voire dans tout le monde entier. Ouais, Mais clairement. du coup, ouais, là, c'est l'opportunité que tu n'aurais pas croisée sinon, quoi. Ah oui, Trop clairement. drôle. Bah, puis tu sais, c'est des opportunités, ça peut se jouer à la seconde. Si j'avais Oui. annulé pour aller faire pipi et relancer après, tu vois, bah, je la Ah croisais pas. Enfin, il y a ouais. plein Mais de. Voilà, il y a plein oui. de petits trucs comme ça qui font que. Le hasard fait bien les choses. Ouais, exactement. Ah, trop drôle. Jolie, jolie histoire, puis tu y es encore, donc ouais. C'est plutôt. C'est joli. Eh Voilà. bien, du coup, nous arrivons à la fin de notre émission de Beauté Imaginée sur les recettes Do It Yourself pour les cheveux. Merci beaucoup, Alice, de nous avoir partagé. Ton témoignage sur tout cet univers naturel et ton approche sur les réseaux sociaux. Chers auditeurs, je vous remercie d'avoir imaginé ma belle invitée aujourd'hui. Vous pouvez suivre les aventures d'Alice sur le compte Smelia, SME2LYAA. Pour ma part, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour suivre mes prochaines émissions en direct à visage caché. Rendez-vous également sur mon blog pour écouter les replays de tous mes podcasts et découvrir plus d'infos beauté, beautéimaginée.com. Dernière question, Alice. Est-ce que pour une prochaine interview de Beauté Imaginée, tu penserais à quelqu'un qui pourrait être un bel invité? Alors, je pense à quelqu'un, Saskia. Je te D'accord. redonnerai son nom exactement. Je crois qu'elle s'appelle Saskia Ndesilis. Une fille qui fait tout ce qui est autour de l'eczéma, des problèmes de peau, comment les soigner naturellement, comment avoir une alimentation anti-inflammatoire. Je n'ai pas d'eczéma et pourtant, elle Ça... m'emporte avec elle. Ah ouais, Et je c'est trouve ça super hyper instructif. intéressant. C'est très instructif. Et tu verras dans cette vidéo, elle a une voix tellement apaisante et Ah. entraînante. J'adore suivre son contenu. Donc, ouais, carrément, je pense à elle. Très bonne idée. Ah oui, et puis alors, si elle a une voix apaisante pour un podcast, c'est idéal. Ah ouais, Je vais aller regarder ça. Eh bien, merci beaucoup. Chers auditeurs, on se retrouve pour ma part vendredi 27 janvier à midi pour un live avec Annabelle, la fondatrice de la belle marque engagée Matière Brute. Alice, pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2023? Bon, de continuer à faire ce que j'aime et juste de m'épanouir dedans. Ouais, avec le sourire, génial. Ouais, voilà. Ça me fait tellement bizarre, je sais pas toi, Ouais. mais le nombre 2023, je le trouve enfin un peu irréel. Ouais, mais je sens que 2023, tu vois, ça va être une bonne année. Pourtant, Ouais. c'est pas pair, tu vois, mais Oui. celle-là, vraiment, je la sens très très bien. Ok, cool. On croise les doigts. Bah, merci à tous et à bientôt sur Beauté Imaginée. Vous êtes encore là à la fin de cet épisode? Bah, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Maintenant, venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. C'est comme ça que je saurai ce qui vous plaît. Voici Beauté Imaginée, deux voix et deux visages cachés.